Monsieur, asseyez-vous. Démenottez-le. Bon, monsieur, vous savez pourquoi vous êtes devant moi. Non, je comprends pas. Très bien, ne perdons pas de temps. Vous êtes monsieur Nordinker, né le 23 décembre 1994. Profession, sans situation. C'est bien ça. Entrepreneur, petit épicier, madame le greffe. Rectifiez, c'est important, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez été mis en examen pour vol de véhicule, vol avec armes, détention de substances et produits explosifs. Et tout ça, monsieur, en bande organisée. Donc, vous avez le choix de garder le silence, de faire une déclaration ou de répondre à mes questions. Je préfère garder le silence. Madame la procureure, quelles sont vos réquisitions ? Madame le juge, sans surprise, je vais vous demander le placement en détention provisoire de Monsieur Kerr. Il s'agit de faits extrêmement graves. Monsieur a déjà été condamné et ne semble pas entendre raison. De plus, je me permets de vous prévenir que vous avez également omis l'association de malfaiteurs qui prouve la préméditation du braquage. Le trouble à l'ordre public est tel que vous n'avez pas d'autre choix que de le placer en mandat de dépôt. Maître, avez-vous quelque chose à ajouter ? Madame le juge, je tiens à vous informer que le dossier me semble truffé d'irrégularités de procédure. Et je ne manquerai pas de saisir la chambre de l'instruction de ces illégalités manifestes. Je ne trouve aucune trace d'autorisation pour les écoutes téléphoniques dont mon client a été victime. Autre chose, maître ? Je demande à ce qu'il soit placé sous contrôle judiciaire. Mon client est un honnête commerçant qui a des garanties sérieuses de représentation. Un honnête commerçant qui braque un établissement bancaire avec une équipe très aguerrie. Très bien, monsieur Kerr, je vous place donc en détention provisoire. Messieurs, emmenez-le.